journée on doit se lever et encore tout endormi se préparer à reprendre le chemin de son labeur chaque matin à la même heure. C'est pour ça qu'on a besoin de vivre un mois à ne rien faire de ses dix doigts. Les vacances.